الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، فمن أحكام الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وتكون قد بلغت السن المحدود شرعا. الإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 1/2 سنة، يعني 6 أشهر، وتكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4: العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المزيل للمخ. وتكون ملكا للمضحي، وأن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد بعد الصلاة، و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل صلاة العيد أو بعد غروب شمس 13 من ذي الحجة لم تصح أضحيته. ويجوز الذبح في الليل والنهار، وفي النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء. رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. رواه البخاري عن جندب البجلي رضي الله عنه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، chers musulmans, parmi les règles du sacrifice du jour de l'Aïd, al-Adha, il faut que la bête à sacrifier fait partie des bestiaux qui sont légiférés dans la religion. Ces animaux sont les camélidés, les dromadaires et chameaux, les bovins, les taureaux, les bœufs, les vaches et les ovins, parmi les moutons, brebis, agneaux, le bouc, la chèvre. Et il faut aussi, parmi les règles, que l'animal ait atteint l'âge reconnu dans la religion. Pour ce qui concerne les chameaux et les dromadaires, qu'ils aient atteint 5 ans révolus. Les vaches, 2 ans. Les chèvres, 1 année. Et les moutons, agneaux, qu'il ait au moins 6 mois. Il faut que l'animal soit dépourvu de tout défaut apparent, voyant. Ils sont au nombre de 4. Il ne faut pas que la bête elle soit borgne, qu'elle ait un problème flagrant à l'œil, qu'elle n'ait pas une maladie flagrante, qu'elle ne boite pas et qu'elle ne soit pas dépourvue de moelle. Il faut que l'animal soit en la possession de celui qui va accomplir le sacrifice, c'est-à-dire que c'est sa propriété. Il faut aussi, parmi les règles, que la bête soit sacrifiée, soit abattue pendant l'horaire qui est légiféré, qui commence après la prière de Eid al-Adha. Dès qu'on a prié Salat al-Eid, débute le moment légiféré du sacrifice. Et il continue ce moment jusqu'au coucher du soleil du 13e jour de Dhul-Hijjah, le 3e jour de Tashriq. Donc on se retrouve avec 4 jours pour le sacrifice. Le jour de l'Eid et les 3 jours qui suivent, le 11, le 12 et le 13 de Dhul-Hijjah. Celui qui sacrifie sa bête avant la prière de l'Eid ou après le coucher du soleil du 13e jour de Dhul-Hijjah, son sacrifice n'est pas accepté. Il est permis, durant la période légiférée, de sacrifier durant la nuit ou le jour. Mais le mieux, c'est de le faire la journée. Et le mieux, c'est de le faire le jour de l'Eid. Et plus précisément, juste après les deux khutbah de la Salat al-Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sacrifie sa bête avant la prière, alors qu'il sache qu'il n'a fait que ramener de la viande, une viande quelconque, à sa famille, et ceci ne fait pas partie du sacrifice. Rapporté par Al-Bukhari, d'après Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit le sacrifice avant d'avoir prié, alors qu'il sacrifie une nouvelle bête à sa place. Rapporté par Al-Bukhari, d'après Jundub al-Bajali, radiyallahu anhu. Allahumma ruddana ila dinikatan jamila. Allahumma aghfirlana dhunubana, wa kaffir anna sayyatina, wa tub alayna innaka at-tawwabur rahim. Wa fiqna Allahumma al-madhubu wa tardah, wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.